Jeudi 6 septembre, 1h du matin, décrit dans la nuit. Je me suis endormi comme il fallait. Sans même m'en rendre compte. La télé restait allumée. Le bruit m'a réveillé, je pense que c'est à cause du son que j'ai dû laisser trop fort. Il y a un documentaire, encore sur l'Égypte, sur Cléopâtre. Non, cette fois-ci ce n'est pas la télé qui a dérangé mon sommeil, ce sont d'autres cris, d'autres voix qui viennent d'ailleurs. Des phrases dont je ne comprends pas le sens, des appels auxquels répondent d'autres appels. Voilà que dans ma prison les cellules se parlent en écho. Des insultes grossières, des vociférations, puis des coups de pied sur des portes qu'on cogne. La clameur augmente et se propage. Le bruit devient vacarme. Je n'ai aucune idée de ce qui cause tout ce tapage. C'est à présent tous les tâches qui se mettent à vibrer, ou plutôt, à faire le why. J'ai la sensation d'être suspendu dans la canopée d'une jungle tropicale, parmi une troupe de singes hurleurs. Décidément, l'être humain n'est pas un animal furtif. Est-ce par un besoin impérieux de communiquer? Il est 1h du matin pourtant, l'heure de dormir pour les gens honnêtes. Certes, me dis-je, c'est aussi ici pour eux une façon d'exister. De hurler leur existence au-delà des quatre murs qui les contiennent. À un moment je crois reconnaître la voix d'un des gaillards, que j'ai croisé les jours précédents en promenade. Oh, surveillant. Oh, oh. Surveillant. À son âge, j'en aurais fait de même peut-être, j'aurais gueulé moi aussi et frappé à la porte. Pour dire quelque chose au moins. À présent, je reste silencieux. Je n'ai rien à gueuler, rien à revendiquer, rien à déclarer. Plus tard, j'apprendrai qu'il s'était sûrement agi d'une coupure de courant, coupure très courante dans les étages, et qui déclenche de cellule en cellule ire des détenus qu'on laisse ainsi dans le noir. Ou privé de télé selon le type de panne, parfois des heures durant. Surtout la nuit. Peut-être ont-ils loupé ce soir, le film porno de Canal+.